perdu dans Tokyo, en pleine banlieue. Je t'ai aperçu lundi à l'école. Crimi, je te suis un peu dans ta vie. Tu t'appelles You dans ta vraie vie et tu travailles dans ta famille. Ton espoir, c'est d'être star avec de la magie. Oh, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, tu tiens joli. Oh, Crimi, oh, Crimi, baby, peut-être que tu réaliseras ton rêve. Depuis qu'il y a Simon et Sissi chez toi, ton papa, ta maman, Poufdou et Charlie, là pour te soutenir. Oh, Crimi. Bon, allez, You, je sais qui tu es. C'est plus la peine de te planquer à mes yeux. T'as pas besoin de magie pour être dans le show. Tout ce qu'il faut, c'est une meilleure coupe, des cours de chant, la chirurgie esthétique, un type qui te caractérise, un impresario. Tu vas la fermer, ouais, chante. Ok, ok, j'y vais, flûte. Ton espoir, c'est d'être star. Tu deviens jolie, oh Crimi, oh Crimi, Crimi. Ouais, oh Crimi.